dans votre esprit, un atome, c'est une petite boule autour de laquelle tournent des électrons un peu comme une planète et ses satellites. Oubliez tout. Cette vision planétaire de l'atome, c'est l'atome de Bohr, le physicien qui a formalisé pour la première fois le modèle atomique qui va s'imposer dans la physique du XXe siècle. Si depuis, la mécanique quantique a rendu obsolète ce modèle, il n'en reste pas moins un pas immense dans la compréhension de la structure de la matière. C'est l'histoire de cette compréhension que nous allons vous raconter aujourd'hui. Atome, bienvenue à bord, c'est le programme élémentaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Nous avons repris cette tradition des titres un peu rocambolesques. Voilà, comme une petite nouveauté, parce qu'il en faut quand même tout de même de temps en temps pour cette cinquième saison, nous allons tenter tout au long de l'année, comme ça dans ces jeudis d'Histoire des sciences, d'approcher des grandes notions de tous les domaines scientifiques, que ce soit de la biologie, de la physique, de la chimie, pourquoi pas des mathématiques, bref, et faire le tour, non pas forcément, oups là, je tape dans le micro, dites donc, très enthousiaste aujourd'hui, pas uniquement de personnalité, mais vraiment de ces grandes notions qui ont structuré l'histoire des sciences. Et pour raconter cette histoire de l'atome, avant Bohr, jusqu'à Bohr et après Bohr, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Michel Courty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire Kassler-Brossel dans l'équipe Fluctuations quantiques et relativité et auteur de la chaîne YouTube Merci la physique, dont on va mettre le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et Hervé Svirne, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de recherche à CNRS, physicien épistémologue à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques à Paris et au Centre de Mathématiques et leurs Applications à l'École Normale Supérieure Paris-Saclay. Mais pour commencer, celle qui orbite chaque jour autour du noyau de l'actualité scientifique, quel entrain aujourd'hui. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Selon une étude parue dans le Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, démence et micropollution plastique sont peut-être liées. Et cette étude portait sur la maladie à corps de Lévy. Elle est peu connue du grand public, pourtant c'est la deuxième cause de démence neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. De plus, elle ressemble beaucoup à la maladie de Parkinson, dont on connaît les liens avec les pesticides. Cette équipe CNRS recherchait donc des molécules pour mieux expliquer le pourquoi de cette pathologie. Ils ont analysé le liquide céphalo-rachidien de personnes malades, le fluide directement en lien avec le cerveau, et ils l'ont comparé avec celui d'autres patients. Dans leur système nerveux central, on y trouve des taux importants de DEHP, du phtalate de bis. Ce micropolluant, un plastifiant très largement utilisé, est déjà connu pour être un perturbateur endocrinien. Alors, corrélation ne veut pas dire causalité, mais voici peut-être un premier indice. Dimitri Heinz est ingénieur de recherche au CNRS, à l'Institut de biologie moléculaire des plantes à Strasbourg. Il est le co-signataire de cette étude. Un peu à notre grande surprise, parce qu'on va être tout à fait honnête, on n'a pas cherché ce plastique en particulier. Dans notre laboratoire, nous, au CNRS, à l'Institut de biologie moléculaire des plantes, on est spécialisé dans la recherche de petites molécules, on appelle les métabolites, le métabolisme, et aussi les micropolluants au sens large. Donc on a fait ce qu'on appelle un screening, une étude de grande échelle, on a cherché plus de 5000 micropolluants qu'on a recherchés dans ce liquide céphalo-rachidien de malades à corps de Lévy et Alzheimer. Et ce qui était vraiment clair et net, ce qui était beaucoup plus présent au moins 3 fois dans ce échantillonnage, c'était un plastique, donc un phtalate, et qu'on a pu donc identifier et doser, c'est-à-dire quantifier finement dans notre expérience, et donc montrer que cette molécule DEHP est beaucoup plus présente dans le cas des échantillons de maladies à corps de Lévy. Alors, on dit depuis très longtemps que l'environnement pollué affecte négativement notre santé, mais ce qui est très très difficile, c'est de poser une molécule, un polluant, sur un effet et de démontrer que c'est cette molécule qui fait cette maladie. Ça, c'est le plus difficile. C'est extrêmement difficile parce que pour ça, il faudrait pouvoir avoir cette molécule, faire des études toxicologiques, ce qui est très compliqué. Imaginez bien dans le cas d'une maladie des corps de Lévy ou maladie d'Alzheimer, c'est des maladies qui apparaissent très tardivement, après 50 ans. Donc on a accumulé beaucoup beaucoup de choses au cours de la vie et évidemment beaucoup beaucoup de micropolluants également. Donc c'est très difficile de tirer l'épingle du jeu, si je puis me permettre, de trouver la molécule qui est responsable de la maladie. Cette étude ne démontre pas que la maladie à corps de Lévy est liée à ce phtalate. En revanche, on pose la première pierre de la problématique, c'est on identifie un phtalate dans le cas d'échantillons qui ont la maladie à corps de Lévy. Voilà, vous pouvez retrouver cette étude sur notre fil Twitter @lamethodefc ainsi que sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Cell, un vaccin nasal à dose unique pourrait protéger les voies respiratoires du SARS-CoV-2. Pour le moment, ce n'est qu'un vaccin expérimental et il n'a été testé que sur la souris. Pour sa confection, cette équipe américaine a isolé la protéine Spike du SARS-CoV-2, que le coronavirus utilise pour infecter les cellules. Il a ajouté un autre virus, un adénovirus de chimpanzé, inoffensif chez l'humain. Les tests sur les souris ont montré une forte réponse immunitaire dans les voies respiratoires supérieures et inférieures, le nez et les poumons, mais aussi une protection sur la durée. Des essais sur des primates, puis sur des humains, sont attendus. Selon une étude parue hier dans Science Advances, la lune rouille. On peut imaginer la surprise de cette équipe internationale lorsqu'elle a détecté de l'hématite, du fer oxydé sur les pôles lunaires. La lune est riche en fer, mais tout de même, dans son environnement, il n'y a ni eau liquide, ni oxygène. De plus, la lune est constamment bombardée par le vent solaire, par un flux d'hydrogène, ce qui devrait chimiquement annuler l'oxydation. Alors, comment est-ce possible? Peut-être par la combinaison de trois ingrédients. Le premier, il y aurait des quantités infimes d'eau moléculaire dans le régolithe lunaire. Le second, l'oxygène atmosphérique de la Terre, qui peut souffler jusqu'à la surface lunaire, pourrait être le principal oxydant. Et enfin, lorsque notre satellite se trouve dans la magnétosphère de la Terre, lors des pleines lunes, à ce moment-là, le vent solaire est bloqué et ne peut pas atteindre la Lune. Et enfin, selon une étude parue dans Nature Precision Oncology, le venin d'abeille contiendrait un puissant anticancer. Les abeilles produisent des peptides, des polymères d'acides aminés, dont la mélitine. Les butineuses produisent ces peptides dans leur venin, mais aussi dans d'autres tissus pour combattre des agents pathogènes. Dans des boîtes de pétri, ces chercheurs australiens ont montré que la mélitine supprime la croissance de cellules cancéreuses, et notamment celle du cancer du sein. Même le TNBC, le cancer du sein triple négatif, très agressif et au traitement limité. Pour évaluer la toxicité de cette molécule, des études doivent être menées. Mais voici encore un exemple de la grande diversité chimique que l'on trouve dans la nature et chez des espèces en voie de disparition. Et on vous retrouve demain, Natacha, pour le journal des sciences de la semaine et le premier journal de la SF de l'année. De quoi sommes-nous faits ? De quoi la matière est-elle constituée? D'ailleurs, qu'est-ce que la matière? Est-elle continue ou composite? Ces questions millénaires ont trouvé au cours des siècles différents types de réponses. Le mot atome lui-même vient du grec atomos, qui signifie indivisible, insécable. Dès le 5e siècle avant notre ère, des penseurs grecs, au rang desquels Lecype de Milet, estiment que la matière est constituée de corpuscules en perpétuel mouvement, invisibles, insécables et pouvant avoir une infinité de formes. C'est la naissance de l'atomisme philosophique. Mais il faut attendre le 19e siècle pour que les physiciens commencent à approcher le concept d'atome jusqu'au début du XXe siècle et aux contributions du chercheur danois Niels Bohr qui va fixer le modèle atomique planétaire, cette représentation si courante aujourd'hui, bien qu'erronée, d'un nuage d'électrons en rotation autour d'un noyau. Ce modèle, l'atome de Bohr, est un jalon essentiel de la physique contemporaine, comme l'explique en 1948 l'indispensable Gaston Bachelard. Niels Bohr retrouva la formule de Balmer en supposant que l'atome chimique était constitué par un noyau central autour duquel tournaient des électrons. Quand un électron change d'orbite, une radiation lumineuse est émise. La longueur d'onde de cette radiation, c'est-à-dire sa couleur, est déterminée par l'orbite de départ et l'orbite d'arrivée. Alors, comment ça? Un type d'explication qui eut un succès prodigieux. On peut bien caractériser un quart de siècle de l'évolution de la science physique en disant que ce fut le temps de l'atome de Niels Bohr, ou, comme on aimait à dire, de l'atome planétaire avec son noyau pour soleil et ses électrons pour planète. C'est pas vous, mais moi je ne me lasse jamais d'entendre la voix de Gaston Bachelard. Le prodigieux succès de l'atome de Bohr, Jean-Michel Courty, c'est vrai que c'est un jalon de la physique contemporaine, c'est dans l'esprit de tout le monde, cette représentation planétaire. Alors il y a la représentation planétaire, et puis en fait il y a un ingrédient qui est là et qui est toujours là aujourd'hui, c'est la notion d'état stationnaire. En fait, ce que Bohr introduit avec la matière, c'est le fait que on va avoir des sauts d'énergie par marche, par paquet, cette discontinuité quantique. Et ça, on l'a toujours. Donc peut-être que cette vision planétaire, on va en rediscuter. Mais en revanche, cette idée de se dire, il va se passer quelque chose de spécial avec la matière, on a ces états stationnaires, c'est d'ailleurs un terme qu'on utilise toujours aujourd'hui. Donc c'est une vraie étape très importante. Hervé Svirne, c'est une réaction à cette archive de Bachelard ou à l'importance pour le grand public. On pourrait dire que l'atome de Bohr, c'est un peu comme E égale MC2. Ce sont des jalons de la représentation scientifique du XXe siècle et des grandes avancées de la science du XXe. Oui, d'une certaine manière, l'atome de Bohr, tel qu'il est décrit par Gaston Bachelard de manière très vivante là, dans cet extrait que je ne connaissais pas, est dans l'image populaire la représentation que tout le monde a de l'atome. Alors, je pense qu'il faut quand même préciser pour les auditeurs que on appelle atome de Bohr cette image d'atome planétaire, mais qu'en réalité, l'atome de Bohr, c'est plus que ça, parce que l'image que nous avons en tête, c'est en fait le modèle planétaire, non pas de Bohr, mais c'est un modèle planétaire plus ancien qui a été au départ introduit par Rutherford. Et c'est Rutherford qui, le premier, a émis l'idée que l'atome était constitué par une charge positive autour de laquelle tournaient des électrons. Parce que avant Rutherford, on avait découvert les électrons, on ne savait pas ce qu'étaient les protons à l'époque, et on avait imaginé un modèle d'atome qui était différent, dans la mesure où Thomson, après avoir découvert l'électron, avait pensé que un atome, c'était une espèce de soupe, une sorte de mer ou de gel de charge positive, dans laquelle flottaient des électrons. Et c'était ça le modèle atomique initial après la découverte de l'électron. Et c'est Rutherford, par ses fameuses expériences, qui, en 1909, a montré que ce modèle-là ne collait pas, parce que ce n'était pas une mer de charges positives étalées, mais qu'il y avait quelque chose de dur au milieu. On va revenir, hein, parce que vous êtes en train de faire le résumé de l'émission, mais on va revenir sur toutes ces étapes dans le détail, ou alors sinon on met de la musique jusqu'à 45. Non, on va détailler tout ce que vous êtes en train de raconter. Un mot, parce que Jean-Michel Courty, vous interrogiez ce matin sur Twitter, justement sur le besoin, sur le devoir, sur la nécessité de continuer à enseigner ou non ce modèle, l'apprentissage de ce modèle planétaire, en fait, qui est une étape, en fait, dans la compréhension de la nature de l'atome. Bah, en fait, c'est un vrai débat qu'on a entre collègues, entre physiciens au laboratoire, on s'écharpe sur le sujet, et avant l'émission, je me suis dit, je vais voir un peu ce qu'en pense la communauté au-delà de mes voisins de bureau. Et en fait, donc j'ai lancé le tweet, faut-il enseigner le modèle de Bohr ? Question, réponse 1, oui, comme une première étape. Réponse 2, à titre historique uniquement. Et réponse 3, non, c'est tellement faux qu'il faut pas. Voilà. Alors, le non, c'est tellement faux qu'il faut pas, il y a 10%. Et sinon, les collègues, c'est moitié-moitié. Pour certains, c'est une étape importante. Pour d'autres, c'est une étape qui, en fait, il faut l'aborder parce que c'est l'image qu'on a dans la tête. Donc, on peut pas faire sans. On peut pas l'ignorer. Mais en revanche, il faut immédiatement dire que c'est totalement autre chose. Parce qu'en fait, cette image, elle va donner plein d'images fausses dans la tête. Et peut-être qu'on y reviendra, mais par exemple, il y a un certain nombre de caractéristiques du modèle de Bohr. Par exemple, dans le modèle de Bohr, les orbites sont circulaires et l'électron passe son temps à une grande distance du noyau. Et ben, dans l'état fondamental de l'atome d'hydrogène, c'est au niveau du noyau que l'électron il a plus de chances de se trouver. Donc modèle de Bohr, l'électron il est très loin du noyau. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est très près. Voilà, c'est un des exemples. Il y en a d'autres, et donc c'est pour ça qu'on se dispute. Beaucoup, 500 réponses quand même sur un fil Twitter en quelques heures. Hein. Absolument. Votre point de vue, Hervé Svirne, si vous deviez répondre au sondage de Jean-Michel Courty, quelle réponse apporteriez-vous ? Moi, j'aurais une réponse, on va dire, mitigée. Je pense qu'il est important que les étudiants apprennent que la physique n'est pas arrivée telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle est tombée du ciel et que les choses sont comme ça, point final. Parce que trop souvent, on voit des étudiants qui s'imaginent que les théories sont telles qu'elles sont et qu'elles ont toujours été comme ça, mais qu'il n'y a pas eu de balbutiement. Il faut leur montrer que la science est un perpétuel balbutiement, qu'on a des errements, qu'on essaye de comprendre les choses et qu'au début on se trompe, et qu'on avance petit à petit. L'atome de Bohr est une étape importante, Et il est important, à mon avis, de leur expliquer que ça a été une étape, que aujourd'hui on a une vision qui est complètement différente, mais l'ignorer complètement serait, à mon avis, donner l'illusion totalement fausse que la science, elle est un bloc figé et qu'elle est dans l'état actuel, elle a toujours été comme ça, ce qui est complètement faux. Tout à fait, et on voit qu'en fait, c'est ce qui ressort de la majorité des collègues, hein. C'est important d'avoir ces étapes, mais sans y passer trop de temps. Voilà. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 dans la méthode scientifique, nous vous racontons aujourd'hui l'histoire de l'atome, pas seulement celui de Bohr, mais Bohr, on l'a compris, est un jalon essentiel, mais on va raconter tout ce qui s'est passé jusqu'à Bohr, et puis on parlera évidemment de ce qui s'est passé après. Nous en parlons avec Hervé Svirne et Jean-Michel Courty. Hervé Svirne, pour commencer, on va remonter très très loin, je l'évoquais dans la présentation, 5e siècle avant notre ère, Démocrite, le site de Millet, on a pensé l'atomisme philosophique, l'idée que la matière est discontinue, fait de petits corpuscules insécables. Hervé Svirne. Ah, je crois qu'on a perdu Hervé Svirne. Non, est-ce qu'il est encore là? Ah, alors, Hervé Svirne, je vous entends à nouveau. Je suis là. Vous avez entendu, est-ce que vous avez entendu ma question? Voulez-vous que je la répète? Je veux bien, oui. Alors, je disais, puisqu'on va remonter donc aux origines jusqu'au 5e siècle et l'émergence de ce que j'appelais tout à l'heure, de ce que l'histoire des sciences a retenu comme étant l'atomisme philosophique, c'est-à-dire l'intuition dès l'Antiquité par Démocrite ou Leucippe que bien la matière est constituée de corpuscules invisibles et insécables. Alors ça, c'est, on peut dire que les Grecs ont eu des idées concernant l'univers sur à peu près tous les sujets. Et que d'une certaine manière, ils ont émis toutes les hypothèses qui ultérieurement sont révélées, soit fausses, soit vraies, mais quasiment tout ce qu'on a aujourd'hui a déjà été anticipé par les Grecs, mais de manière purement prospective, puisqu'ils n'avaient aucun moyen ni de le prouver, ni même d'avoir un formalisme mathématique qui permette de le théoriser. Effectivement, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Leucippe et Démocrite ont émis l'hypothèse atomique, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'idée était que les atomes étaient des petites boules insécables, c'est-à-dire que si on prenait de la matière et qu'on la divisait comme ça, eh bien ça n'irait pas à l'infini, à un moment donné, on tomberait sur quelque chose qu'on ne pourrait plus diviser. Mais cette idée-là est restée purement philosophique, et il a fallu attendre quasiment le 19e siècle pour qu'on commence à lui donner quelque chose d'un peu plus précis, notamment grâce à la chimie et avec Dalton. Oui, Dalton, c'est évidemment le premier jalon. On est au tout début du 19e siècle. On avait consacré une émission entière à l'alchimie. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné dans l'émergence de la chimie, notamment au Moyen-Âge, des intuitions qui viendraient justement contrecarrer le principe aristotélicien de la divisibilité à l'infini de la matière? Des idées précises, il y en a toujours eu, parce que les gens ont toujours essayé d'anticiper ce qui pouvait se passer, mais ça restait extrêmement abstrait ou philosophique, et les choses réellement scientifiques au sens moderne du terme ne sont arrivées là-dessus qu'au 19e siècle. Alors justement, John Dalton, 19e siècle, il y a deux écoles, hein, en gros, les atomistes d'un côté, les continuistes de l'autre, qu'est-ce qui les oppose et que vient apporter John Dalton à ce débat, Hervé Svirne? Alors essentiellement, John Dalton fait l'hypothèse atomique, c'est-à-dire que pour expliquer la manière dont la réaction chimique se passe, alors on est vraiment au tout début du 19e, hein, c'est 1803, 1805, 1807, c'est tout début du 19e siècle. Il suppose donc que les atomes, comme les Grecs l'avaient dit, sont des entités indivisibles et incassables, que chaque élément chimique est composé d'atomes qui sont tous identiques, qu'ils ont tous la même masse, et que, en revanche, les substances composées, eh bien, sont composées de plusieurs atomes qui se combinent entre eux, et ça lui permet d'expliquer notamment les proportions des réactions chimiques qu'on observe expérimentalement. Et grâce à cette hypothèse-là, eh bien, Dalton donne une certaine explication d'un certain nombre de ce qu'il appelle la loi des proportions, qui régissent les réactions chimiques. Mais il fait un certain nombre d'erreurs. Par exemple, pour lui, l'eau, c'est HO. Il s'imagine que la molécule d'eau est composée d'un atome d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Et c'est Gay-Lussac, plus tard, qui montrera qu'en fait, la molécule d'eau, c'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc on en était encore au balbutiement, puisqu'évidemment, on ne maîtrisait pas complètement ces concepts. Le début du 19e siècle, cette époque, c'est aussi quelque chose qui va être essentiel dans la compréhension de la nature de la matière. Jean-Michel Courty, c'est le début de la spectrographie. Oui, exactement. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Donc la spectroscopie qui est fondée par messieurs Kirchhoff et Bunsen. Bunsen qu'on connaît bien d'ailleurs pour son bec Bunsen. Et pourquoi monsieur Bunsen invente-t-il son bec Bunsen? Ah, parce qu'en fait, ce que remarquent ces chimistes, c'est que quand on met des corps dans la flamme, par exemple, vous faites bouillir de l'eau salée sur une plaque avec, enfin pas une plaque chauffante justement, mais sur un truc avec du gaz, quand ça déborde, vous voyez une lumière jaune. Cette même lumière jaune que l'on a dans les lumières des autoroutes, etc. Et puis on voit aussi qu'il y a des corps qui mettent d'autres couleurs, les couleurs qu'on a dans les feux d'artifice, du rouge, du bleu, etc. Vous êtes en train de me spoiler complètement mon reportage de tout à l'heure, mais c'est pas grave. Allez-y. Bon, alors toujours est-il que Bunsen, donc ce que fait Bunsen, c'est qu'il invente une flamme qui n'a pas de couleur pour voir ce qui se passe avec ces éléments. Et ce qu'il constate, c'est que quand on disperse la lumière du soleil avec un prisme, alors on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quelque chose de parfaitement continu. Et quand on fait ça avec la lumière d'atomes particuliers, on a seulement certaines couleurs bien particulières. Et il en déduit avec son collègue que c'est une méthode d'analyse chimique très puissante, que grâce à cette lumière, on va pouvoir savoir quel est le corps qui émet. Et ça, depuis Bunsen et Kirchhoff 1860, on n'a pas changé. C'est-à-dire que pour faire des analyses chimiques à distance, on utilise la spectroscopie. Tout ce qu'on sait sur les exoplanètes, sur etc., c'est en regardant les spectres. Tout ce qu'on sait de l'univers, c'est en regardant les spectres. Quand on veut regarder les polluants dans l'atmosphère, etc., c'est aussi en faisant des spectres. Donc en fait, c'est cette méthode particulière d'analyse de la matière, cette trace d'interaction avec la lumière qui va nous donner des infos. Et donc ces spectres, il y a plein de couleurs. Les physiciens, ils vont faire des mesures, ça va leur donner plein de longueurs d'onde. On prend l'inverse, ça s'appelle le nombre d'ondes. On va avoir des tableaux de chiffres, plein de chiffres pour tous les atomes. Et la vraie question, ça va être comment interpréter tous ces chiffres. Et peut-être un mot justement sur l'importance de la spectroscopie justement Hervé Svirne au 19e siècle et dans la compréhension successive, hein, parce que vous avez un peu fait le sommaire tout à l'heure, mais Thomson, Rutherford, puis Bohr, tous vont eh bien avancer dans leur compréhension de l'atome grâce à des expériences de spectroscopie. Ouais. Alors dans ces chiffres, en fait. C'était pour Hervé Svirne. Jean-Michel Courtier, allez-y. Hervé Svirne d'abord et puis Jean-Michel Courtier après. Allez-y. Oui, comme le disait Jean-Michel, cette découverte que la spectroscopie permettait d'identifier les éléments est une découverte fondamentale. Non seulement parce que même aujourd'hui, comme il le disait, c'est utilisé tout le temps, mais parce qu'à l'époque, quand on voulait faire de l'analyse pour savoir quelle était la constitution d'éléments, on était obligé de faire de l'analyse chimique, et la spectroscopie a apporté une méthode qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus précise pour découvrir de quoi est constitué ou de quoi sont constitués certains corps. Alors, le gros problème que se posait la physique de cette époque, c'est que on a un spectre de rayons, c'est-à-dire que uniquement certaines longueurs d'onde sont émises ou absorbées, et ces longueurs d'onde sont caractéristiques d'un corps particulier. Ça permet donc de reconnaître les corps. Et la question était de savoir comment peut-on expliquer, par exemple, quand on regarde le spectre de l'hydrogène, on a une série de rayons dont la plus simple s'appelle la série de Balmer, et comme le disait Jean-Michel, ça correspond à un certain nombre de longueurs d'onde, donc on a une série de chiffres, mais d'où viennent ces chiffres? Et la question majeure à laquelle cherchaient à répondre les physiciens à cette époque, c'était comment peut-on expliquer que tel élément va avoir tel spectre de rayons, tel autre élément un autre spectre de rayons, que chaque spectre est caractéristique d'un élément, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et ça, c'est tout ce qui a constitué la motivation pour la physique du 19e siècle en très grande partie. Jean-Michel Courtier. Donc un point très intéressant, c'est qu'on a des tableaux avec plein de chiffres. Et ce que les physiciens remarquent, c'est que dans tous les tableaux, alors certains ont des chiffres simples, d'autres plus compliqués, mais on a certaines propriétés. Alors je vais vous donner un exemple d'un spectre que j'ai inventé. Imaginez que vous ayez la liste de chiffres. 1, 10, 11, 100, 100, 110 et 111. Alors ce que vous remarquez, c'est que j'ai... Vous direz que vous êtes en base 2 déjà. Alors ouais, non mais j'ai fait par 10 et tout ça. Mais j'ai fait 1, 10 et 100. Vous remarquez que j'ai 10 plus 1, 11. Ah, et 11 il est dedans. J'ai 10 plus 100, 110 ils l'ont dedans. J'ai 100... Donc en fait, si je prends certains chiffres et que je les additionne, alors j'obtiens un autre chiffre qui est dans la liste. Mais il y a des additions que je peux pas faire. Par exemple 100 et 1, 101 c'est pas dans la liste. Et en fait... qui vont comprendre les physiciens à partir de ça, c'est que ces chiffres, c'est comme des hauteurs de marche. Imaginez, j'ai un escalier. La première marche, elle est à 1 mètre de haut. Ensuite, entre la deuxième et la troisième marche, j'ai 10 mètres. Et entre la troisième et la quatrième marche, j'ai 100 mètres. Donc déjà, je peux faire une seule marche. J'ai 1, 10 ou 100. Ensuite, si je fais la marche 1 et 2 en même temps, 1 plus 10, 11. Si je fais la marche 2 et 3 en même temps, 10 plus 100, 110. Et si je fais les 3 marches, 111. En revanche, je n'aurai jamais le pas où je vais faire en même temps la première et la dernière marche. Parce qu'il faut que je fasse la marche du milieu. Mmh. Et donc, en fait, c'est en regardant ces chiffres que va arriver la notion d'état. Voilà. Le fait qu'en fait, les niveaux d'énergie dans l'atome, c'est comme un escalier. Et que quand on va échanger l'énergie, eh ben on va sauter les marches de cet escalier pour aller d'une marche à une autre. C'est exactement ce que dit Bohr dans ce modèle, c'est qu'on a des états stationnaires, première chose, et qu'ensuite... Pour les électrons, il faut le préciser. Pour les atomes, voilà, pour les électrons. Mmh. Et que ensuite, quand on passe d'un état stationnaire à l'autre, on émet un paquet d'énergie avec la relation que la variation d'énergie, c'est H nu, où H c'est la constante de Planck, et nu, la fréquence du rayonnement. Mmh. Donc en fait, ça c'est le premier truc que dit Bohr pour son atome, c'est des états stationnaires avec ce delta avec ça, et ça, ben, on l'a toujours. Mmh. Et on va y revenir, hein, ces niveaux d'état d'excitation des électrons. Peut-être qu'on va revenir avec vous, Hervé Svienne, on remonte, parce que là, on est reparti sur Bohr, mais peut-être qu'après Thomson, après Dalton, pardon, la première étape de ce qui va aboutir au modèle de Bohr, mais qu'on devrait appeler plus correctement le modèle Rutherford-Bohr, c'est le plum pudding, le modèle de Joseph Thomson en 1897. C'est ça. En fait, à l'époque de Dalton, on ne sait pas que les électrons existent, évidemment. C'est découvert après, puisque c'est Thomson qui découvre l'électron. C'est 1897, ça. Donc, vous voyez, c'est quasiment 90 ans plus tard. Mmh. Et à ce moment-là, quand il découvre l'électron, eh bien, comme on ne connaît que l'électron, eh bien, il invente ce qu'on a appelé, comme vous l'avez dit, le modèle du plum pudding. C'est-à-dire, en gros, il s'agit de, comme on sait que l'atome est neutre et que l'électron est chargé négativement, eh bien, on suppose que l'électron est baigné dans une sorte de mer de charge positive ou qui est chargé positivement et qui flotte. On peut l'appeler plum pudding parce qu'on peut imaginer ça comme une espèce de pâte positive dans laquelle sont plongés les électrons. Il n'y avait qu'un Anglais pour inventer ça. C'est vrai. Et alors ça, pourquoi pas? Parce qu'après tout, quand on découvre les électrons et qu'on ne connaît que ça, c'est pas une idée qui est complètement farfelue, ça tient tout à fait la route. Mais heureusement, la science progresse et il y a des expériences qui sont là pour tester ces hypothèses-là. Et Rutherford, qui fait des expériences, lui, où il envoie des particules alpha sur des feuilles d'or. Alors les particules alpha, c'est tout simplement, mais on le savait pas à l'époque, mais Rutherford, quand il a fait ses expériences, ne savait pas ce que c'était, mais c'est en fait l'équivalent de noyau d'hélium-4, c'est-à-dire que c'est un proton, c'est deux protons et deux neutrons. Mmh. Mais il savait manipuler ce qu'il appelait les rayons cathodiques, et les particules alpha, et il peut envoyer ça sur des feuilles d'or. Et pour tester le modèle de plum pudding, il se dit, ben, puisque c'est quelque chose qui est complètement réparti, je vais envoyer mes particules alpha à l'intérieur, je vais voir celles qui ressortent. Alors il a un dispositif qui permet de mettre en évidence les particules alpha qui ressortent, et il anticipe une chose. Il se dit, ces particules, elles vont grosso modo traverser ma feuille d'or, et je vais retrouver les choses de l'autre côté. Mais ça ne se passe pas comme ça. Rutherford. Pardon ? Ça ne va pas se passer comme ça. Est-ce qu'il y a même Rutherford. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Et comme Rutherford est un expérimentateur et un théoricien aussi, mais un expérimentateur génial, il aurait pu se contenter de mettre un écran derrière et de voir ce qui se passait. Mais il a l'idée de mettre une cavité complète. C'est-à-dire qu'en fait, il va détecter les particules qui passent à travers. Mais même s'il n'y croit pas, il va détecter toutes les particules, y compris celles qui sont réfléchies. Et à sa énorme surprise, il découvre que environ une particule sur 20 000 est totalement réfléchie, c'est-à-dire qu'elle devrait normalement toutes passer à travers, mais qu'il y en a certaines qui rebondissent. Et ce rebond est totalement incompatible avec l'idée qu'il y a une répartition uniforme de charges, parce que toutes devraient passer à travers. Et c'est là qu'il découvre qu'en réalité, l'atome est fait de beaucoup de vide, mais qu'il y a une zone chargée positivement et qui est très dense, mais qui est relativement toute petite par rapport au volume de l'atome lui-même. Et c'est là que commence l'idée qu'en réalité, eh bien, un atome, ça n'est pas le modèle plum pudding, c'est en réalité une charge positive concentrée au centre, et des noyaux qui gravitent très loin, et des électrons, pardon, qui gravitent très loin autour. Et ça, c'est le premier modèle planétaire de Rutherford, qui donne l'image que nous avons aujourd'hui, mais qui pose des problèmes qui vont être résolus justement par l'atome de Bohr. Et nous sommes en 1911 lorsque Rutherford publie ses travaux. Effectivement, c'est donc ce modèle planétaire que vient de décrire Hervé Svirne. Et il y a tout de même une grosse aporie dans le modèle de Rutherford que vous pouvez nous expliquer, Michel Courty. Le problème effectivement, c'est que dans un modèle planétaire, si on regarde les satellites qui orbitent autour de la Terre, et à un moment donné, ils retombent sur Terre. Alors, autour d'un atome, on n'a pas d'atmosphère pour les freiner, mais ce qui se passe, c'est que il y a quelque chose qui joue le rôle de l'atmosphère, c'est le rayonnement. C'est-à-dire qu'une particule qui est accélérée, donc notamment une particule qui tourne autour d'un noyau, ça émet du rayonnement. C'est le principe des rayonnements synchrotrons dont on entend parler. Alors le truc, c'est que si on calcule la quantité de rayonnement, chaque fois qu'on, si on rayonne, ça veut dire qu'on perd de l'énergie, et ça veut dire que l'électron devrait très très très rapidement s'écraser sur le noyau et que les atomes ne pourraient pas être stables. Et ça, c'est un vrai vrai vrai souci. Deuxième souci, c'est que avec les spectres, on constate que tous les atomes d'un même type sont parfaitement immobiles. Quand j'envoie des satellites, j'envoie une certaine altitude, mais les deux satellites, ils sont jamais exactement à la même altitude. Si vous prenez deux atomes du même composé chimique, ils ont parfaitement le même spectre à plus de 15 chiffres près. Ça veut dire que vous prenez un atome, vous le cassez, quand il se reconstitue, il est parfaitement identique à lui-même, il est identique aux autres atomes, il est identique à tous les autres atomes du même type de l'univers. Et ça, comprendre comment on peut avoir avec des composés quelque chose qui a une telle régularité, la physique classique en est totalement impossible, incapable. Donc c'est même le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a actuellement on voit un peu la physique quantique comme le monde du hasard, des probabilités, etc. Mais en fait c'est la physique quantique qui nous apporte la meilleure stabilité. D'ailleurs la dernière réforme du système international d'unité fait reposer la définition de toutes les unités sur la physique quantique parce que c'est ce qu'on a de plus régulier, parce que c'est ce qu'on a de plus stable. Et on y avait consacré une émission entière dont on va vous mettre le lien. Nous voilà donc arrivés au fameux modèle de Bohr dont nous allons parler dans quelques instants. Mais restez avec nous parce que dans quelques minutes, Antoine Beauchamp revient d'un reportage des plus périlleux dans lequel il sera question de gazinières, de feux d'artifice et d'exoplanètes, le tout dans une cuisine. Vous allez voir, c'est pas mal. Atome qui se balançait dans une grosse molécule, ce petit atome qui s'ennuyait, craignait surtout le ridicule. Quand un photon vint le rencontrer, un gros photon dans l'infrarouge, même infrarouge, un seul photon, ça peut rompre une liaison. Le petit atome, ainsi balancé, quitta sa chère molécule, pauvre molécule décomposée, ça lui fait mal à la formule. Mais le petit atome, au fond d'un cristal, trouva bien vite une vacance, les vacances originales, quand les neutrons ouvrent le bal. Le petit atome au noyau fragile, connu des pépins fantastiques, de méchants hommes savants subtils, en firent une bombe atomique. Il explosa, quel destin hâtif, il mourut le petit atome. Oui, mais les hommes savants fautifs sont tous devenus radioactifs, tous radioactifs, tous radioactifs. Ce sont les trouvailles insolites et iconoclastes de notre réalisatrice Véronique Lamandour. On a trouvé ce petit atome chanté par Paul Brafort et ça nous a bien plu. J'espère que ça vous a plu aussi puisque nous parlons précisément de l'atome tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Michel Courty qui est professeur à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire Kastler-Brossel et dans l'équipe Fluctuations Quantiques et Relativité, et Hervé Svirne, ancien directeur de recherche CNRS, physicien et épistémologue à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques à Paris et au Centre de Mathématiques informatiques et de leurs applications à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Quel est donc le point commun entre une gazinière, un feu d'artifice et une exoplanète? La réponse, je vous demande de me croire sur parole, c'est donc Niels Bohr, comme l'a un peu dévoilé tout à l'heure Jean-Michel Courty. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour le reportage du jour, vous avez fait une excursion périlleuse dans la cuisine d'une voix familière des auditeurs de la méthode scientifique. Et oui, puisque je suis allé à la rencontre de Michel Fay et de son épouse Suzanne Bourdet. Ils sont tous les deux enseignants de physique chimie et ils m'ont reçu dans leur cuisine pour réaliser une expérience de chimie un peu particulière. Si on imbibe une tige métallique d'eau salée et qu'on la place au-dessus de la flamme d'une cuisinière à gaz, la flamme devient orange. Si on excitait un ion cuivre ou tout autre ion métallique au-dessus du feu, la couleur serait différente. Ce que nous expliquent Suzanne Bourdet et Michel Fay, c'est que Niels Bohr a permis de comprendre cette variabilité des couleurs et que cela a eu des implications non seulement dans l'amélioration de la technique des feux d'artifice, mais aussi dans la découverte d'exoplanètes. Niels Bohr a apporté un élément supplémentaire qui est un élément, la notion de discontinuité en optique. C'est-à-dire que quand on prend la notion d'atome qui est très ancienne, elle remonte au grec ancien, on arrive avec Niels Bohr à considérer qu'on a un système solaire à l'échelle atomique, c'est-à-dire on a un soleil central, le noyau, et on a des planètes, c'est-à-dire les électrons. Il y a donc une discontinuité dans les trajectoire, et l'idée de Niels Bohr pour expliquer certains phénomènes optiques a été, pas seulement optiques d'ailleurs, a été de montrer qu'une planète pouvait changer de trajectoire, mais pas n'importe comment, de façon discontinue. Et donc cette idée-là de discontinuité, elle n'est pas expliquée par Niels Bohr, mais ça va ouvrir la porte à tout un champ de créativité qui va construire la mécanique quantique et qui va construire l'optique quantique. Alors évidemment, Niels Bohr est un élément, mais c'est un tournant à mon sens, parce que c'est un moment où la notion de quantification est apparue. Alors je vous suis dans la cuisine où un laborantin que nos auditeurs connaissent bien, Michel Fay, votre époux, est en train de préparer l'expérience. Qu'est-ce qu'on va voir? La gazinière est allumée, Michel Fay est en train... Donc on prépare une solution de salée, celle de cuisine, dans de l'eau, on agite. Alors pas beaucoup d'eau... Et suffisamment de sel. Vous placez donc, la tige. La tige au-dessus de la flamme. Alors la tige, c'est pareil, c'est grand public. Vous prenez n'importe quel fil de fer ou support qui peut rentrer et là-dedans. Et on voit apparaître de magnifiques flammes oranges. Le orange, c'est une transition qui a lieu dans l'atome, enfin dans l'ion sodium, caractéristique de cet ion. Et à chaque ion, on pourra associer une couleur. Avec le cuivre, les ions cuivre, ça sera vert. Avec le sodium, c'est orange. Avec les ions potassium, c'est rouge, etc., etc. Si vous voulez, l'idée, c'est de montrer qu'il se passe un phénomène différent de la couleur de la flamme là, du gaz de ville que nous avons. Et donc, chaque couleur de flamme est la signature d'un état d'ion métallique ou de métal bien précis. Quand on préparait ce reportage, vous m'évoquiez, donc on a vu que quand on excitait un ion sodium au-dessus d'une flamme toute simple d'une gazinière, une lumière particulière apparaissait. Si on change d'ion métallique, la lumière sera différente. On peut en regarder quelques-unes là. Et voilà, et vous m'expliquiez, quand on préparait ce reportage, que d'une façon assez amusante, Niels Bohr n'est pas complètement étranger finalement à la technique des feux d'artifice. Alors en quoi est-ce qu'il n'est pas complètement étranger à ça? Et pourquoi de cette technique des feux d'artifice, on en arrive beaucoup plus tard, beaucoup plus loin, à des connaissances sur, par exemple, les exoplanètes? Est-ce qu'il y a un lien entre feux d'artifice et exoplanètes? C'est la question du jour que je vous pose à vous, madame la professeure. J'ai envie de dire que c'est Niels Bohr le lien entre les deux, puisque si je reprends les feux d'artifice, alors c'est une poudre noire, carbone, soufre, salpêtre ou nitrate de potassium, qui nous vient de Chine et qui n'est arrivée en France, à ma connaissance, alors là je ne suis pas non plus spécialiste, mais dont je n'ai entendu parler pour ma part dans l'histoire des sciences, qu'au moment du mariage d'Anne d'Autriche et de Louis XIII. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, on avait une couleur très basique. Et ce n'est que plus tard qu'on a pensé à rajouter des sels métalliques. Et vous le savez, quand vous regardez un feu d'artifice, vous obtenez des couleurs très variées. Chaque couleur dépend de ce que vous avez mis. Chaque couleur est un transfert énergétique d'une orbite à une autre, caractéristique de chaque ion ou chaque élément, on va dire, de façon plus générale, ça peut être aussi avec des atomes. Et c'est là que Niels Bohr intervient, puisque ce feu d'artifice bénéficie de cette discontinuité. Alors après, si on le fait dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous prenez une flamme au sodium et que vous l'éclairez avec une lampe au sodium, l'image de la lampe au sodium à travers la flamme va être une ombre, parce que la flamme au sodium en aura profité, si j'ose dire avec des termes un peu ethnocentrés, en aura profité pour s'enrichir en énergie. Ça, c'est un outil fabuleux. Alors évidemment, quand on se lance dans la recherche, ça va être de plus en plus compliqué. Là, nous avons parlé du jaune du sodium, c'est facile, une couleur. C'est là que les physiciens, et avec l'aide des techniciens, moi j'y tiens beaucoup parce que les techniciens sont aussi des gens très précieux, ils savent, eux, comment réaliser tel ou tel complément de matériel pour pouvoir aller plus loin et détecter les rayons. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez regarder une autre étoile venant d'ailleurs, qui n'a pas toujours exactement la même nuance, hein, vous avez des étoiles plus rouges, d'autres plus bleues, vous allez pouvoir analyser ce que j'appellerais les raies d'absorption, c'est-à-dire tout ce que, disons, ce qu'on voit à l'écran, les atomes d'ion, voilà, ce qu'on voit à l'écran, tout ce qui a pu être absorbé par l'enveloppe, voilà, effectivement, de l'étoile. Donc là, vous voyez, on a une masse de raies noires. Et donc, on étudie l'effet Doppler de chacune des raies qu'on a récupérées sur notre étoile, c'est-à-dire, en général, des raies sombres. Alors, si on résume, et je vous mets au défi de me résumer comment, depuis notre entrée tout à l'heure dans la cuisine, on est arrivé à parler d'exoplanètes, le tout avec, pour fil rouge, Niels Bohr. Alors, Niels Bohr nous a donné un outil fabuleux, à savoir que les atomes peuvent passer d'une orbite à une autre. Soit en émettant de la lumière parce qu'on leur a donné de l'énergie, soit en absorbant de l'énergie qui vient d'un autre atome collègue, lui-même excité. Et ce sont les raies d'absorption qui nous amènent aux exoplanètes. Voilà le reportage du jour dans cette cuisine. Jean-Michel Courty, vous nous aviez déjà fait en avant-première ce lien entre feu d'artifice, exoplanète et Niels Bohr. Un mot, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? La spectroscopie, mon laboratoire qui s'appelle Kassler-Brossel s'appelait précédemment un laboratoire de spectroscopie hertzienne et on continue à en faire parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment comprendre la matière, ces atomes. Alors maintenant on a d'autres manières d'y accéder, mais la manière principale c'est quand même d'envoyer de la lumière et de regarder comment ils interagissent avec la lumière, de faire des mesures très précises. Et ce que je veux dire c'est que ça c'est aussi des mesures qui sont des mesures assez longues à faire, pénibles, etc. On a besoin de précision. Si la science avance, c'est parce qu'on le fait. Et le truc, c'est que tous ces collègues spectroscopistes, c'est un boulot de l'ombre. Des soutiers qui font des catalogues de spectres, etc. Alors, on n'a pas la nouvelle invention, on n'a pas le nouveau truc, mais si on n'avait pas tous ces catalogues de spectres avec ces milliers de raies, on ne pourrait rien faire sur les détections de polluants, sur les détections d'exoplanètes, etc. Donc, le petit mot, c'est la spectroscopie, encore aujourd'hui, on en a besoin. Et voilà, c'est dans l'ombre, sortons-le aujourd'hui de l'ombre. C'est ce que nous contribuons à faire aujourd'hui. Hervé Svirn, un mot sur ce reportage, une réaction ? Oui, écoutez, je pense qu'effectivement, je vais pas en rajouter sur ce que dit Jean-Michel Courtier à propos de la spectroscopie, qui est effectivement un outil fondamental. La petite précision qu'il faudrait apporter, c'est que le modèle de Bohr, mais on va peut-être en parler un peu plus directement maintenant, a des limites. C'est-à-dire que tout ce qui vient d'être décrit, et la spectroscopie permet de faire des analyses extraordinairement précises, est un outil d'exploration de l'univers fabuleux, n'est pas expliqué par le modèle de Bohr, qui a des limites assez rapides, et qui nécessite, pour qu'on explique tout ce qu'on observe réellement, de passer à d'autres modèles, et notamment d'arriver à la mécanique quantique. Mais ça va être plutôt fin d'émission. Le modèle de Bohr a ouvert la porte à quelque chose d'extraordinaire, mais ça n'était que le tout début. Alors justement, Jean-Michel Courty, ce modèle de Bohr, qu'est-ce qu'il vient ajouter au modèle précédent de Rutherford ? Alors, ce qui se passe, c'est que il faut réussir. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que Bohr, premièrement, il réussit à comprendre la discontinuité quantique, les raies, etc. Là, on en a déjà suffisamment parlé. Maintenant, cherchons à comprendre les valeurs précises C'est moi qui... Non, non, c'est bon, c'est bon, allez-y. Cherchons à comprendre les valeurs précises des énergies de la lumière émise. Et il se trouve que quand on regarde le spectre de l'atome d'hydrogène, on peut voir des formules mathématiques qui arrivent un petit peu avec l'inverse du carré des entiers, etc. Donc, ce qu'il veut, c'est avoir un modèle mathématique qui permette de calculer précisément ces longueurs d'onde. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Bohr, en fait, d'un côté, il va dire, je mets mon truc spécifiquement quantique qu'on va garder. Et puis après, en fait, il va utiliser la mathématique. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il écrit, par exemple, dans un papier de 1923, c'est que on est obligé de rester modeste dans nos demandes et nous contenter avec les des concepts formels qui nous, et d'oublier toute image visuelle. Donc en fait, Bohr, en 1923, il dit l'image visuelle des orbites, des électrons qui tournent, ça, il faut l'oublier. Et en fait, les calculs qu'il fait, ça va être des calculs dans un espace mathématique qu'on appelle l'espace des phases, hein, ou c'est des espaces abstraits. Donc en fait, ce qu'on appelle l'atome de Bohr, c'est l'atome de Rutherford à la cuisine d'aujourd'hui, mais Bohr lui-même, il l'a jamais dessiné. C'est intéressant ce que dit Jean-Michel Courtier, parce que Bohr, vous pouvez nous redire ou nous réexpliquer peut-être en fait quels sont les trois grands postulats qu'il ajoute au modèle de Rutherford, mais lui-même se rend bien compte, et on peut continuer là-dessus, que son modèle n'est pas complètement satisfaisant et que il est encore un peu bancal. Bien sûr. Alors Bohr a comme objectif effectivement d'expliquer les raies spectrales. Le modèle de Rutherford ne marche pas parce que l'atome serait instable, et donc Bohr va être conduit à faire trois hypothèses qui, il faut bien le réaliser, sont des hypothèses complètement ad hoc, parce qu'il va mélanger la physique classique avec des hypothèses qui contredisent la physique classique. La première hypothèse, c'est qu'il postule que les électrons tournent comme les planètes sur des orbites circulaires stables. En gros, il dit, bon, ben, je sais que la physique classique me dit qu'il devrait rayonner et s'écraser sur le noyau très vite, mais en réalité, eh bien, je vais postuler que c'est pas le cas. Donc, orbite circulaire stable pour les électrons. Deuxième hypothèse, c'est celle dont on a déjà parlé, c'est que lorsqu'un électron passe d'une orbite à une autre, eh bien, il émet un photon quand il passe à une orbite plus basse d'énergie plus faible, ou il absorbe un photon quand il passe d'une orbite plus basse à une orbite plus haute d'énergie plus élevée. Et cela lui permet déjà de donner un modèle de la stabilité de l'atome, mais ça n'est pas suffisant. Parce qu'avec ces deux hypothèses qui sont déjà contraires à ce que dit la physique classique, on aurait des atomes pour lesquels n'importe quelle orbite est possible. Et donc il rajoute quelque chose d'absolument extraordinaire, qui est ce qu'il appelle la quantification du moment cinétique. Alors le moment cinétique, c'est tout simplement le produit du rayon par la vitesse, en fait, en quelque sorte. Et il fait une hypothèse qui est complètement ad hoc. Il dit ce moment cinétique, eh bien, il est quantifié et il ne peut valoir qu'un nombre entier de fois la constante de Planck divisée par 2π. Ce qui est une hypothèse qui est complètement arbitraire, mais qui, liée aux autres hypothèses, et en faisant ensuite des calculs extrêmement simples de physique classique, où vous calculez l'équilibre des forces, vous donne une quantification des rayons auxquels les électrons doivent suivre pour leur orbite. Et ces trois hypothèses-là, qui sont vraiment des hypothèses qu'il invente et qui sortent de son chapeau, lui permettent de faire des calculs qui donnent des rayons pour les différentes orbites, qui lui permettent de calculer les énergies sur chaque orbite, et il se trouve, et c'est là le miracle, que les différences d'énergie entre les différentes orbites lui donnent bien les premiers éléments de la série de Balmer. Qui est la série de Balmer, vous pouvez nous le préciser? La série de Balmer, c'est en gros la première série de raies qu'on voit pour le spectre de l'hydrogène, c'est les raies les plus simples. Le spectre des éléments est en fait extrêmement complexe, et il y a des raies de différentes intensités, des raies qui se dédoublent, etc. La série de Balmer étant la première série de raies qui sont en fait liées aux transitions les plus simples, qui sont expliquées effectivement par le modèle de Bohr, mais qui justement échouent à expliquer ce qu'on appelle la structure fine, qui est issue d'un certain nombre d'effets que Bohr à l'époque ne maîtrisait pas, et qui font que certaines raies sont plus intenses que d'autres, ou que certaines raies qu'on voit d'une manière unique en fait se dédoublent. On n'osera pas dire des effets de Bohr, non, c'est trop facile. Non, Jean-Michel Courtier. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces calculs, ça ne marche qu'avec l'atome d'hydrogène. Oui. C'est-à-dire que quand on dit les orbites des électrons, des machins, c'est en fait l'orbite de l'électron. Et en plus, alors ça marche magnifiquement bien, mais aussi parce que l'atome d'hydrogène, il a une propriété très particulière, c'est que quand on regarde l'orbite d'un électron, même si ce n'est pas une orbite circulaire, c'est une ellipse. C'est-à-dire que c'est une trajectoire fermée. d'un point de vue classique. Alors que normalement, vous prenez n'importe quoi, et ben ça fait des trucs qui tournent et puis des ellipses qui tournent. Et ça, c'est en fait parce que l'atome d'hydrogène, il a des symétries très particulières, qu'on appelle des symétries dynamiques, qui fait qu'on va avoir des orbites elliptiques qui vont avoir des mêmes énergies que des énergies circulaires. Et donc, d'un point de vue quantique, habituellement, on a besoin de 3 numéros quantiques pour les niveaux d'énergie. Et ben en fait, on va voir ce qu'on appelle une dégénérescence, c'est-à-dire qu'il y a 2 des numéros quantiques qui vont pas compter. Donc le truc, c'est que ce qu'il calcule, il a la chance que, en calculant avec les orbites circulaires, il a aussi les énergies des orbites elliptiques. Mmh. Voilà, c'est un coup de peau, ça marche super bien, ça marche tellement bien que la physique va rester pendant 10 ans coincée là-dessus à essayer de rajouter un deuxième électron. C'est-à-dire que ça marche bien avec l'hydrogène qui a un électron. Si on rajoute un deuxième électron qui est l'hélium, ça marche pas. Et d'ailleurs, il y a un courrier entre Born et machin où ils écrivent catastrophe. parce qu'ils ont fait les calculs complets sur l'hélium et que définitivement c'est foutu. Ils ont tout fait. Ça peut pas marcher. Voilà. D'ailleurs, Bohr est, comme je le disais, comme Hervé Svirne le précisait, a conscience que son modèle est bancal. Il va tenter de le corriger, Hervé Svirne, plus tard, en 1918 jusqu'en 1922. Même avant. C'est-à-dire qu'en fait, Bohr n'est pas satisfait de son modèle et il travaille avec Sommerfeld. Et 3 ans après le premier modèle de Bohr qui date de 1913, en 1916, il y a le modèle de Bohr-Sommerfeld, qui, lui, tient compte du fait que les orbites ne sont pas circulaires, mais introduit justement des orbites elliptiques. Et l'introduction de ces orbites elliptiques permet de rajouter un nombre quantique de plus. Dans l'atome de Bohr, il n'y a qu'un seul nombre quantique, c'est le numéro de la couche, le nombre N, qui correspond à l'état dans lequel est l'électron, mais en supposant qu'il y a une orbite, puis deux orbites, puis la troisième orbite, etc. Le modèle de Sommerfeld permet d'enrichir cela en remplaçant les orbites circulaires par des orbites elliptiques. Et ça permet de rajouter un nombre quantique, parce que vous voyez bien que quand vous avez une ellipse, elle peut être plus ou moins aplatie, ce qu'on appelle son excentricité. Et l'excentricité est le modèle, et le nombre quantique supplémentaire qui apparaît dans le modèle de Bohr-Sommerfeld, et ça permet d'expliquer la structure fine de l'hydrogène. Structure fine de l'hydrogène, c'est-à-dire la duplication de certaines raies. Et ça n'était pas expliqué par le modèle de Bohr, c'est maintenant expliqué par le modèle de Sommerfeld, dans lequel il y a 2 nombres quantiques. Donc on a un peu enrichi. Vous savez, ça rappelle un petit peu l'histoire des épicycles de Ptolémée. Quand il y avait un truc qui collait pas, on rajoutait un épicycle. Parce que là, on rajoute un nombre quantique. Parce qu'avec ça, on réussit à être un peu plus précis sur l'hydrogène, mais l'hélium, on l'a toujours pas. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que c'est ça le gros souci. C'est l'un des gros soucis, c'est-à-dire que l'hélium, on ne l'a pas, et puis il y a d'autres soucis dans le modèle de Bohr qui n'arrive pas à circonscrire exactement, notamment sur le noyau, sur le fait que il a du mal à expliquer que le noyau n'explose pas. Oui, alors après, effectivement, là, moi, je suis plutôt physique atomique, mais effectivement, si on veut aller regarder ce qui se passe, de comment est constitué un noyau, ils vont comprendre que le noyau, il est composé de protons, de neutrons, et que les protons, ils ont des charges positives, et que à une distance tellement faible qu'ils ont, les forces d'expulsion les forces répulsives entre ces protons, elles sont considérables. Et effectivement, là, avec ceux qui savent à l'époque de l'électromagnétisme de la mécanique de son truc, on peut pas du tout le comprendre. Et il faudra attendre bien plus tard la théorie des champs et puis l'interaction forte, etc., pour comprendre ce qui se passe. Et effectivement, alors là, ça dépasse tout. Mais j'allais dire même la question de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 électrons. Vous voyez, et alors quand on prend tout le tableau périodique, alors là, c'est pas 2, c'est c'est beaucoup. Hervé Svirne, comme vient de le dire Jean-Michel Courty, pendant 10 ans, on reste bloqué grâce à la puissance du modèle de Bohr. Comment est-ce qu'il va être dépassé? Puis on voit bien que Bohr ouvre aussi les portes, on contribue à l'ouverture des portes de la mécanique quantique qui va ensuite être développée, notamment avec tous les grands noms qu'on connaît, De Broglie, Schrödinger, Heisenberg et compagnie. Oui, alors en fait, cette porte s'ouvre et en gros, il faut un peu moins de 10 ans pour arriver à la mécanique quantique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que on peut dater l'apparition de la mécanique quantique à 1924-1925. Mmh. Et pendant ces 10 ans, on est un peu coincé, mais les idées évoluent, bien entendu, tous les physiciens sur le sujet y réfléchissent. Et alors là, retracer l'histoire de la mécanique quantique sur ces 10 années-là, ça demanderait beaucoup de temps. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'il se passe 2 événements simultanés, on va dire. La première chose, c'est que ça c'est ça remonte un peu avant, en 1905, avec l'effet photoélectrique expliqué par Einstein, on se rend compte que la lumière, qui est considérée comme une onde, peut avoir un comportement corpusculaire. Ça c'est une première étape. Et ça c'est Einstein, à la suite de Planck d'ailleurs, mais c'est Einstein qui explique l'effet photoélectrique par le fait que le photon est quantifié, et donc la lumière est corpusculaire en même temps qu'ondulatoire, donc les ondes ont un comportement corpusculaire. Et il se trouve que Louis de Broglie, lui, commence à réfléchir à tout ça et se dit, mais finalement, de manière symétrique, je vais postuler que la matière a elle-même un comportement ondulatoire, ce qui était totalement révolutionnaire. Et Louis de Broglie, dans sa thèse, émet l'hypothèse que les corpuscules de matière ont eux aussi un comportement ondulatoire, et il dit, pour le tester, c'est pas compliqué, ben, il faut faire d'une expérience de diffraction d'électrons. Les électrons sont des corpuscules, eh bien, montrons que les électrons sont diffractés exactement comme des ondes, et on montrera le comportement ondulatoire de la matière. Et cette expérience est menée par Davison et Gerber, et effectivement, on constate la diffraction des électrons, ce qui confirme la symétrie qu'il y a entre la lumière qui a un comportement qui peut être corpusculaire, et la matière qui peut avoir un comportement ondulatoire. Et ces idées-là sont soumises à Einstein qui les soutient. Schrödinger en prend connaissance. Et parallèlement, vous avez l'apparition de la mécanique ondulatoire de Schrödinger, qui suit les idées de De Broglie, parce que De Broglie avait aimé ses idées, mais sa théorie était assez peu pratique et assez peu développable. Et c'est Schrödinger qui la met en forme, de manière non relativiste. Et en parallèle, vous avez Heisenberg qui travaille avec Bohr, et lui développe ce qu'on appelle la mécanique des matrices, qui a un point de vue qui est différent. Mais quelques temps plus tard, Dirac montre que la mécanique des matrices d'Heisenberg et la mécanique ondulatoire de Schrödinger, ça c'est 1925, sont équivalentes en fait, sont deux formes différentes de la même théorie, et c'est la naissance de la mécanique quantique sous la forme moderne que nous connaissons maintenant, avec toutes les conséquences qu'elle a, et qui permet, mais alors là, il faudrait rentrer dans des détails beaucoup plus complexes, qui permet d'expliquer cette fois-ci, enfin, comment fonctionnent les atomes. Et on se retrouve à la fin, parce que le modèle d'aujourd'hui, le modèle atomique, il faut quand même le dire, d'aujourd'hui, c'est un modèle dans lequel, dans les atomes, les électrons ont quatre nombres quantiques, et non pas deux comme il y en avait dans le modèle de Bohr-Sommerfeld. Il y a cette fois-ci quatre nombres quantiques qui expliquent cette fois-ci le fonctionnement des atomes, quels qu'ils soient. Hervé Svirne qui vient de vous résumer la naissance de la mécanique quantique en 2 minutes 30, chapeau. Un mot de conclusion rapide, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, Jean-Michel Courtier. Alors, aujourd'hui, justement, le modèle atomique contemporain, comment est-ce qu'on peut se représenter maintenant l'atome? Donc l'électron, c'est une onde. Donc clairement, c'est un nuage avec une onde. Ce qui est intéressant, c'est que plus la longueur d'onde est petite, plus il y a d'énergie, plus ça veut dire que ça bouge. Et donc on comprend pourquoi l'atome est stable. C'est-à-dire que si on veut comprimer un électron près du noyau, on est obligé de réduire la taille. Ça veut dire qu'il faudrait augmenter son énergie. Et donc c'est pour ça que l'électron, il peut pas se rapprocher du noyau, c'est qu'il aurait besoin de s'agiter trop vite. Donc en fait, c'est ça que nous dit la physique quantique. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, on verra des images sur votre site, etc. Sur le fil Twitter. Sur le fil Twitter. En fait, aujourd'hui, pour représenter l'atome, ce qu'on voit, c'est des magnifiques fonctions d'onde que l'on peut visualiser et que l'on peut mesurer aussi avec diverses techniques, notamment le microscope à effet tunnel. Donc ces fonctions d'onde qui étaient des éléments abstraits, aujourd'hui, on est capable de les mesurer, de voir des surfaces d'atomes, de visualiser ces fonctions d'onde. Merci beaucoup. On va vous mettre, on va vous trouver ces représentations en fonction d'onde sur notre fil Twitter @lamethodesc. Merci beaucoup Hervé Svirne. Merci Jean-Michel Courty. Toujours, on vous retrouve sur la chaîne YouTube Merci la physique. Oui. Et puis dans Pour la science, la revue. Évidemment. Un article sur le Tour de France. on regardera ça avec plaisir. Et puis on va recevoir très bientôt la camarade Cécile Lestienne. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Yves Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Véronique Lamandour à la réalisation technique. Nasser Moussaoui. Demain, ce sera notre premier vendredi science-fiction de la saison. Et pour commencer, nous allons nous amarrer à un géant de l'imaginaire, un prophète, un sorcier, l'homme dont les écrits, les scénarios ont transformé notamment l'industrie du comics, mais pas que, dont l'ambition imaginaire et littéraire n'a pour limite que sa folie créatrice. Nous parlerons du mage Alan Moore demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.